toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Dans ce nouveau numéro, je vous emmène à la rencontre de deux artistes peintres aux univers picturaux différents qui sont réunis pour l'exposition événement baptisée Rencontre au Centre d'Art Le Garage à Amboise. D'un côté, on retrouve Michèle Katz, parisienne née en 36, 68 arts de style avant-gardiste dont la spécificité est de créer des œuvres à partir d'empreintes de corps humains. De l'autre, Anita Gaube, tourangelle, née en 86, formée à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, elle a travaillé et présenté des expositions au Mexique et a été distinguée comme talent contemporain de la Fondation François Schneider en 2023. 50 années séparent donc ces deux artistes singulières. Nous les avons rencontrées pour vous. Nous sommes au Centre d'Art Le Garage à Amboise et nous rencontrons Marie-Anita Gaube. Bonjour Marie-Anita. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail et de votre univers? Comment vous décrivez vos créations? Alors, mes créations, donc je travaille plutôt en grand format. Là où à l'exposition Rencontre avec Michèle Katz au garage, il y a aussi des collages sur papier. Je qualifierais mon travail d'assez utopique ou plutôt onirique. Mmh. Enfin, si on peut parler d'utopie. C'est toujours des scènes qui sont entre le rêve et le politique. C'est un travail plutôt coloré, avec souvent différentes scènes qui s'y déroulent, plusieurs plans. Il y a des influences qui sont liées au cinéma, notamment au cinéma de Sergei Eisenstein, où en fait il parlait, lui, dans ses compositions, dans sa manière de monter ses films. Il essayait de recréer vraiment une forme de tonalité musicale, et même, enfin, il parlait d'un cri, d'une hystérie qu'il voulait essayer de retranscrire chez son spectateur. Et dans mes toiles, il y a un peu... Alors, je dis ça, mais je me rends compte en parlant qu'il y a beaucoup de toiles qui sont quand même peut-être aussi plus calmes là, dans les dernières toiles que je présente ici. Mais voilà, il y a toujours quelque chose, en tout cas, d'assez sonore, même dans l'usage de la couleur. En tout cas, tout est vivant, tout bouge. C'est une peinture qui est plutôt en expansion, où on est dans un mouvement, voilà. Avec une prédominance pour la couleur, la lumière et le domaine de l'imaginaire. Il y a beaucoup d'imaginaire. Alors après, je m'inspire du monde qui nous entoure. Hein. Je pars d'images existantes. Beaucoup de peintures qui parlent de la relation entre l'homme et la nature. Mais c'est toujours une nature qui finalement est dominée par l'homme ou assez artificielle, donc avec des plantes imaginaires, des paysages qui sont quasiment surnaturels. Après, il y a beaucoup de toiles aussi qui s'inspirent de rituels autour de la mort, de la nature, des cycles de la vie, mais où effectivement je laisse toujours une part d'imaginaire et une part de rêve, d'utopie, comme je disais au début. En tout cas, ça fait voyager de se promener au travers des toiles dans cette galerie d'art. Alors, l'événement qui est autour de cette exposition, qui, on le rappelle pour les auditeurs, sera visible jusqu'au 15 septembre, c'est la rencontre avec l'autre artiste, Michèle Katz. 50 ans vous séparent. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette rencontre? Alors, moi, je trouve ça particulièrement touchant de pouvoir exposer avec une femme qui a 88 ans, qui a commencé aussi la peinture à une époque où la place de la femme artiste était compliquée à prendre et où les femmes aux beaux-arts n'avaient pas vraiment leur place encore. Donc, je pense qu'elle a dû se battre aussi. C'est plus du tout le cas aujourd'hui ? C'est beaucoup mieux, mais après, c'est sûr que je pense pas uniquement dans les arts plastiques, hein, dans la culture en règle générale. C'est toujours compliqué d'être une femme artiste, quel que soit le médium aujourd'hui, même si heureusement les choses changent et les combats commencent à porter leurs fruits. Mais après, il y a aussi quelque chose de très punk, je vais dire ça comme ça, dans sa peinture, que je trouve assez génial, justement, enfin, une femme artiste à cette époque-là, et où elle remet en cause vraiment les codes de la peinture, la figuration, la représentation du corps. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les dernières toiles que je présente ici, il y a un rapport au corps qui est assez frontal et qu'on va retrouver chez Michèle Katz, mais d'une manière complètement différente en termes d'esthétique. Mmh. Et je trouve que ce rapprochement avec ce dialogue des corps et avec 50 ans de différence, c'est aussi très intéressant. Très bien, alors qu'est-ce que vous diriez, Marie-Anita, à nos auditeurs pour les encourager à venir voir cette expo? Alors, les artistes sont rarement les meilleurs pour se vendre, hein. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je pense qu'à travers l'art, on essaye de parler du monde, on essaye de faire du bien au monde, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, d'apporter un peu de rêve et d'utopie, surtout par les temps actuels, et que l'art est avant tout aussi un espace de réflexion, et pour l'artiste, et pour celui celui qui fait l'expérience d'une œuvre. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut défendre aujourd'hui, la culture, que ce soit les arts plastiques ou les autres formes de culture. Et puis, c'est aussi une balade dans d'autres univers. C'est un voyage, je pense, aussi qui est proposé ici cet été au garage. Donc, voilà. Eh bien, tout est dit et très bien dit. Merci beaucoup, Marie-Anita. Merci. Et peut-être à bientôt dans un Peinture Fraîche en compagnie de Pascal et de toute la bande. J'espère, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Deuxième artiste mise en valeur dans cette exposition qu'on retrouve au Centre d'art Le Garage, c'est Michel Katz. Alors Michel, on se connaît depuis quelques minutes, mais je dois vous l'avouer, c'est quelqu'un de passionnant. On a déjà discuté des techniques de peinture qu'elle emploie, de son rapport à l'art, de son histoire dans l'art. Michel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre travail pour les auditeurs qui n'auront pas l'image ? C'est difficile de faire sans les images, mais ils auront peut-être des photos. Oui. Pour l'auditeur qui est dans sa voiture ou dans sa cuisine et qui vous écoute parler, comment vous pourriez décrire un des tableaux qui est devant nous, par exemple ? C'est pas à moi de le décrire, je le ferai pas, c'est à vous, avec vos yeux à vous. Mm-hmm. Et la peinture, c'est vraiment une expérience qui doit être partagée. C'est votre expérience, moi, qui m'intéresse. Déjà, ce qu'on observe, ce sont des empreintes humaines. Michel emploie une technique particulière puisqu'elle demande à des modèles de s'installer sur un support, des corps humains, nus. Une fois que le corps du modèle est imbibé d'huile, il se pose sur un papier. Et c'est sur ce papier qu'il y a l'empreinte que je garde ou pas, selon. Donc, il n'y a pas de dessin. C'est le dessin, il est inhérent à la forme, à la notion de forme qu'on obtient différemment. C'est tout ce que vous voyez là, ce sont des empreintes réelles, oui, physiques. Ce n'est pas vu avec 5 mètres de distance comme dans les ateliers de dessin où on dessine, on apprend à dessiner. Mm-hmm. C'est l'inverse, j'ai supprimé ça. Donc, tout se passe dans l'instant. Mais ça sert aussi, évidemment, c'est une autre expérience. En tous les cas, c'est vraiment à découvrir au Centre d'art Le Garage. D'ailleurs, vous nous disiez hors antenne tout à l'heure que vous aviez des toiles qui étaient exposées à Paris. Elles ne sont pas exposées, mais elles ont été acquises par des musées. La relation entre les artistes et les lieux d'exposition peuvent être différents. Par exemple, si j'expose dans une galerie, je suis vivante encore, donc je peux montrer des toiles dans une galerie et on peut voir les deux en même temps. Avant que ça arrive à être exposé dans un musée, les artistes sont déjà morts. Le musée, par définition, réunit des siècles d'art. C'est même le rôle d'un musée. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de vous proposer cette exposition conjointement avec Marie-Anita ? Ah, moi, je suis ravie d'abord parce que j'ai connu l'œuvre de Marie-Anita avant de la connaître, elle, il y a 5-6 ans. J'ai eu l'occasion de vivre ici, à Amboise, et j'avais mon atelier à Amboise aussi. Et en fait, j'ai découvert l'œuvre de Marie-Anita lors d'une exposition qu'elle a faite à Tours. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui me rapprochaient d'elle. À ce moment-là, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais ça m'avait beaucoup plu et je m'en suis toujours souvenue. Voilà. Et quand j'ai appris qu'elle allait être exposée avec moi, j'étais vraiment contente. Je n'ai toujours pas vu, hein. Mais c'est pas grave. Voilà, je suis très contente d'exposer avec elle. Vous avez un parcours incroyable dans le domaine de l'art et de la peinture, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'aujourd'hui, Marie-Anita nous en a dit quelques mots d'ailleurs il y a quelques minutes, mais de la place de la femme aujourd'hui dans le domaine artistique, est-ce que ça a quand même évolué ? Ben, je vous en parlais tout à l'heure, en effet. Moi, je sais très bien que quand j'ai fait une énorme exposition aussi à la Maison des Métallos à Paris, c'était la première découverte de mon œuvre, vraiment, quoi. Et moi, quand j'étais jeune, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu 2 enfants, je les cachais. J'ai jamais montré mes enfants en public à Paris, où j'ai habité toute ma vie. Jamais, jamais. C'était juste de quoi vous faire sombrer dans l'inconnu définitivement. Les femmes n'étaient même pas reconnues pour leur maternité, d'ailleurs, comme on sait. Mais voilà, c'était un travail qu'on a commencé, nous, les groupes de femmes, aux États-Unis. J'étais jeune encore, quoi, j'avais 22 ans, 23 ans. Et j'ai ramené le premier catalogue féministe de New York. On n'avait encore rien fait en France. Donc ça a été long et évidemment, une fois que ça a été commencé, alors là, ça s'est épanoui petit à petit. Tout d'un coup, le public s'est aperçu que les femmes existaient, quoi. En tout cas, les femmes, elles sont mises à l'honneur au travers de cette exposition qui est visible jusqu'au 15 septembre avec un vernissage vendredi 28 juin à partir de 18h où vous serez présente, Michel, en compagnie de Marie-Anita pour accueillir le public. Oui, je suis vraiment très, très heureuse d'être ici pour accueillir le public. C'est un lieu que je connais depuis longtemps puisque j'habitais à Amboise. C'est un lieu absolument extraordinaire sur le plan de l'architecture, sur le plan de l'accueil, sur le plan de cette manière de vivre le rapport aussi bien avec les artistes qu'avec les visiteurs. Enfin, c'est une équipe extraordinaire. Ils adorent l'art. Ils sont à l'écoute de ce qui se passe dans l'art. Je suis très très honorée d'exposer au garage. Eh bien, merci beaucoup, Michel Katz. Un petit mot pour les auditeurs de Radioactive, pour les inviter à venir découvrir votre travail et celui d'Anita, peut-être ? Oui, c'est une promenade. C'est tellement vaste en mètres carrés, en kilomètres presque, qu'on découvre aussi une architecture et on découvre aussi une équipe qui gère d'une manière, j'ai envie de dire, humaniste, politique, tout simplement humaine, qui est extrêmement rare, et sur le plan de l'art, avec un immense savoir et en même temps d'ouverture, une immense ouverture. Merci pour ces derniers mots. On souhaite un beau succès à cette exposition. Merci beaucoup d'être venue. Nous sommes avec Clémence à présent, Clémence Thébault, qui est donc responsable artistique et culturelle du Centre d'art Le Garage qui fête ses 5 ans. Bonjour Clémence. Oui, bonjour. En effet, c'est l'occasion pour nous, ce mois de juin, de fêter les 5 ans d'ouverture du Centre d'art et de pouvoir faire une petite rétrospective aussi de toutes les expositions et les actions menées au sein du Centre d'art. Alors cet anniversaire, il est marqué par cette exposition donc où les femmes sont à l'honneur et l'intergénérationnel aussi, puisqu'on l'a exprimé pendant ce reportage, mais une différence de génération. Quels événements vous allez proposer autour de cette expo ? Alors cette exposition est l'exposition d'été, elle sera ouverte déjà du 29 juin au 15 septembre. Et ça va permettre de pouvoir découvrir l'exposition en venant s'y promener, déambuler à travers ces peintures extrêmement colorées et de grand format. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir faire des visites pour le public, gratuites, sans rendez-vous, tous les samedis après-midi à 17h. Également de pouvoir travailler avec un public d'enfants et de familles grâce aux ateliers du mercredi après-midi qui s'adressent aux enfants de 3 à 11 ans. Donc tout l'été ? Tout l'été. Tout l'été. On a aussi également un événement qui va se dérouler autour du travail des deux artistes peintres, qui est une soirée performance avec une performance déambulatoire qui s'appelle Corps et Cordes, qui est une performance avec un danseur et une harpiste qui vont travailler autour du développement des corps qu'il y a sur l'étoile. La Simplesse, c'est le nom de la troupe artistique qui viendra présenter. Tout à fait, c'est le nom de l'association et de la compagnie qui vont venir le vendredi 28 juin. Non. Vendredi 5 juillet. Le vendredi 5 juillet à 19h et c'est gratuit. Par contre, c'est sur réservation car les places sont limitées. Très bien. L'expo, quant à elle, on peut venir la voir gratuitement toute la semaine. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure ? Alors, le centre d'art est gratuit pour tous, en entrée libre. Il est ouvert du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30 et les samedis et dimanches de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30, sachant qu'on est ouvert même les jours fériés. Très bien, merci Clémence pour toutes ces informations et bon anniversaire. Merci pour le centre d'art. Rencontre, une exposition qui vous invite donc à découvrir ces deux univers artistiques que 50 années séparent. N'hésitez pas à venir à la rencontre des artistes Michel Katz et Marie-Anita Gaube lors du vernissage qui aura lieu ce vendredi 28 juin à 18h au Centre d'art Le Garage. C'est la fin de ce mag, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM et vous y trouverez quelques visuels des œuvres de ces deux artistes. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.